Les grands travaux entrepris par le Gun Club étaient pour ainsi dire terminés. Mais le 30 septembre, à 3h47 du soir, un télégramme arriva à l'adresse du président Barbicane. France, Paris, 30 septembre, 4h du matin. Barbicane, Tampa, Floride, États-Unis. Remplacé obus sphérique par projectile cylindre conique. Partirait dedans. Arriverait par steamer Atlanta. Signé Michel Ardan.